Voici fleurir les roses du doux printemps, voici fleurir les roses du doux printemps, ma douce fiancée que j'aime tant, j'irai la voir dimanche par agrément. Si tu viens me voir dimanche par agrément, si tu viens me voir dimanche par agrément, là je m'y ferai nonne, nonne au couvent. Et tu n'auras de moi nul agrément. Oh, si tu t'y fais nonne, nonne au couvent. Oh, si tu t'y fais nonne, nonne au couvent. Là, je m'y ferai moine, moine friand. Je confesserai la nonne dans son couvent. Ah, si tu t'y fais moine, moine friand. Ah si tu t'y fais moine, moine friand, je m'y ferai étoile au firmament, laisserai là le moine dans son couvent. Si tu t'y fais étoile au firmament, si tu t'y fais étoile au firmament, je m'y rendrai sous forme d'un nuage blanc. Je contemplerai l'étoile au firmament.